Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Nous sommes le 20 juin 2019. Voici les grands titres de cette édition. Le président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, ne se représentera pas aux élections présidentielles prévues en 2020, comme il l'a déjà promis. C'est son porte-parole qu'il a répété lors d'une émission publique tenue ce jeudi dans la province de Muyinga. Et 15 élèves, dont 14 filles enceintes et un garçon de deux écoles secondaires de la commune Musigati dans la province de Bubanza, ont été dernièrement renvoyés de leurs établissements. Et le projet de loi en rapport avec l'octroi d'un permis de recherche des minerais, dont le wolframite, à la société Wolframine Limited d'origine suisse, a été adopté par le Conseil des ministres de ce mercredi. Les amateurs de football à mairie Bujumbura affirment avoir confiance en la sélection burundaise Inamba Murugamba qui participe pour la première fois à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Cette compétition de football commence ce vendredi 21 juin et non le 20, comme je le disais. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, je venais de vous le dire, le projet de loi en rapport avec l'octroi d'un permis de recherche des minerais dont le wolframite à la société Wolframine Limited d'origine suisse a été adopté par le Conseil des ministres de ce mercredi. Après l'analyse des experts, les travaux de cette société auront des impacts sur l'économie du Burundi. Suivez les autres précisions avec Prosper Nahorwamiye. Il est secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Projet de décret portant octroi d'un permis de recherche de la wolframite et ses minéraux associés sur le périmètre Nyarudende-Muyinga en province Kirundo en faveur de la société Burumine, plus projet de convention de recherche minière entre le gouvernement de la République du Burundi et la société Burumine. Ce projet a été présenté par le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines. La société Burumine est une filiale de droit burundais de la société de droit russe Wolframine Limited. Cette société a manifesté l'intérêt pour l'acquisition d'un permis de recherche de la wolframite et les minéraux associés sur le périmètre Nyarudende-Muyinga en province Kirundo d'une superficie de 148,198 km². Pour ce faire, elle a déposé un dossier complet de demande de permis au ministère en charge des mines en date du 20 novembre 2018. Conformément au code minier, le permis de recherche est délivré pour une durée de 3 ans et peut être renouvelé 2 fois pour une durée de 2 ans chaque fois. Analysant le programme des travaux proposés et les capacités techniques financières de la société Wolframite à travers sa filiale Burumine et compte tenu de l'impact de ses activités sur l'économie nationale, les services techniques proposent d'accorder à la société le permis de recherche demandé. Après échange et débat, ces projets ont été adoptés moyennant de légères corrections. Voilà, c'était un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres de mercredi avec Prosper Nahorwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. 15 élèves, dont 14 filles enceintes et un garçon de deux écoles secondaires de la commune Musigati dans la province Bubanza, ont été dernièrement renvoyés de leurs établissements. Les parents, très choqués, demandent que les autorités suivent de près la situation et que les auteurs de ces grossesses soient recherchés et sanctionnés conformément à la loi. Spes Caritas Cabagnana. Il y a 2 semaines que 10 filles du lycée technique communal de Nyamugerera, en commune Musigati, dans la province de Bubanza, ont été définitivement renvoyées de l'école car le test de grossesse s'est révélé positif dans un centre de santé où l'école avait conduit plus de 40 filles suspectées. Aussi, un garçon de la même école qui a été dénoncé par sa partenaire a été aussi renvoyé selon une décision sortie par le directeur de cette école. Un peu plus loin, au lycée communal de Musigati, 4 filles ne sont plus à l'école car elles seraient également enceintes selon des témoins sur place. Les parents déplorent la situation et regrettent de voir leurs enfants interrompre leurs études. Onesphore Zeimana, l'un des représentants des associations de défense des droits humains à Bubanza, déplore également les faits et demande que les auteurs de ces grossesses puissent être recherchés et traduits en justice. Les responsables scolaires, tout comme l'administration locale à Musigati, précise que les enquêtes sont déjà en cours pour que les gens qui ont engrossé ces élèves puissent être sanctionnés conformément à la loi. Merci Space. On reste à Boubanza pour vous dire qu'un officier de la police judiciaire du commissariat communal de Moussigati dans cette province est derrière les verrous depuis ce jeudi. Cet OPJ prénommé Fabrice est accusé d'avoir sérieusement tabassé un détenu qui se trouverait dans un état critique à l'hôpital, selon les informations fournies par sa famille. La victime, Joseph Wakondo Kizé, s'était bagarré avec son épouse et demandé sa libération après un règlement à l'amiable en famille, selon la même source. Le président du tribunal de grande instance de Boubanza dit que les enquêtes ont déjà commencé et que cet OPJ sera sanctionné conformément à la loi une fois sa culpabilité établie. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, ne se représentera pas aux élections présidentielles prévues en 2020, comme il l'a déjà promis. Et cela a été dit par son porte-parole, Jean-Claude Karegwa Ndenzako, lors d'une émission publique tenue ce jeudi dans la province de Muyinga. Il affirme ne pas être au courant des manifestations qui seraient en préparation par les jeunes militants du parti CNDD-FDD au pouvoir pour réclamer la candidature du président Pierre Nkurunziza aux élections présidentielles 2020. Jean-Claude Karegwa Ndenzako rappelle que les manifestations ne sont interdites que quand elles passent outre la loi. Premièrement, je voudrais vous dire que je ne suis pas au courant de ces rumeurs affirmant qu'il pourrait y avoir des jeunes Imbonerakure qui seraient en train de préparer des manifestations pour pouvoir contraindre le président de la République, Pierre Nkurunziza, à revenir sur sa décision de ne pas participer aux élections présidentielles de 2020 pour se faire élire. La réponse est celle-ci. Le Burundi est un état de droit où il y a le respect des droits de l'homme et la libre circulation des biens et des personnes. Donc, toute personne qui aura besoin d'organiser des manifestations en a le droit, au cas où elle remplit toutes les conditions nécessaires exigées par la loi. Dans ce cas, elle doit informer l'administration ainsi que la police afin d'assurer sa sécurité. Ce que nous n'acceptons pas, c'est l'insurrection. En aucun cas, on a refusé le droit à une personne de faire la manifestation, sauf dans ce cas-là que je viens d'évoquer. Bref, je ne savais pas que ces jeunes affiliés au parti au pouvoir prévoient une manifestation, mais s'ils demandent de le faire, c'est leur droit. Concernant la question de savoir si le président de la République reste ferme à sa décision de ne pas participer aux élections présidentielles de 2020, je voudrais vous rassurer qu'à l'heure où nous sommes, sa décision est la même, car ce n'est pas une décision prise personnellement. Il a dû demander conseil auprès de Dieu. Et vous savez que quand on est conseillé par Dieu, on ne pourra jamais demander d'autres conseils auprès de qui que ce soit. Et je vous informe qu'en 2020, au mois d'août, il y aura des grandes cérémonies de remise et reprise entre le nouveau président et le président Pierre Nkurunziza. Et ces cérémonies seront transmises en direct sur la télévision nationale et les autres radios. C'était le porte-parole du président de la République, Jean-Claude Karegwa Ndenzako. La permanence du parti CNL situé en commune de Nyabiraba dans la province de Bujumbura, parti en fumée dans la nuit du 15 juin, a été incendiée par les membres de ce parti. C'est l'assistant, en même temps porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui l'affirme. Et c'était au cours de l'émission publique de ce vendredi. Tarsis Niyongabo a prévenu ce parti qu'il pourrait être sanctionné au cas où il ne se conformerait pas à la loi. Suivez Tarsis Niyongabo. Hariho by'ukuri n'ivyo inzu y'umugambwe yaturiwe muri Bujumbura inyabiraba hariho inzu y'umugambwe yarashwe ku mpanda. C'est vrai, il y a une permanence d'un parti qui a été brûlé à Nyabiraba en province de Bujumbura et celle fusillée à Mpanda en province de Bubanza. Mais d'après les enquêtes, ce ne sont pas les membres des partis qui se chamaillaient qui ont causé la destruction de ces permanences. Pas du tout. Je crois que le jugement rendu ce jeudi a prouvé que les gens qui ont incendié la permanence de Nyabiraba sont les membres du parti CNL. Vous constatez alors qu'il y a une nouvelle stratégie où les gens incendient leur permanence et par après, ils tirent la sonnette d'alarme. Dans ce cas, nous mettons en garde ces gens. Nous, en tant qu'institution qui a accordé l'agrément à ce parti, s'ils manifestent un tel comportement, nous allons prendre des décisions. Il faut qu'ils soient au courant de cela. Ils doivent se conformer à la loi, se mettre ensemble afin de ne pas troubler la situation. Tarsis Niyongabo, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Certains piétons de la capitale Bujumbura ne connaissent pas la signification des signalisations routières qui les concernent. Ceux qui ont parlé au micro de la radio Isanganiro disent que pour traverser la route, ils évitent seulement les voitures qui passent sans tenir compte des feux tricolores. Ces citadins réclament une formation, comme ça a été le cas pour les conducteurs de voitures. Les détails avec Mireille Naomi Nitegeka. Ces piétons qui ont parlé au micro de la radio Isanganiro disent éprouver des difficultés de distinguer quand ils ont un feu vert et de traverser la route ou pas s'ils regardent le feu de signalisation qui est destiné aux piétons. On remarque que beaucoup ne savent pas quoi faire exactement et cela peut être la cause des accidents. Ces deux personnes confondent le feu de signalisation des voitures et ceux des piétons. Que si on se réfère aux voitures pour traverser la route, les chances de faire un accident sont élevées car les voitures peuvent avoir un feu vert de continuer la route et te retrouver au milieu de la route. Ces piétons demandent des formations pour bien connaître la signification de leur signalisation. Que ce soit les conducteurs des voitures où les piétons doivent être prudents parce que la priorité n'est pas la sécurité. Et les propriétaires des maisons construites sous les câbles électriques haute tension et moyenne tension de la régie des eaux courent entre grand risque d'être électrocutés. C'est le chef d'antenne de la régie des eaux, région centre-est, qui l'a dit, ajoutant que de telles maisons perturbent les travaux de réhabilitation des poteaux portant ces câbles une fois tombés par terre. De son côté, le gouverneur de la province de Gitega déclare que aucun de ses habitants dans sa province ne va plus construire une maison sous ces câbles. Gérard Nibigira. Dans la ville de Gitega et ses environs, de même que dans les communes Itaba et Makebuku en province de Gitega, nous avons compté plus de 90 maisons construites sous les câbles électriques haute et moyenne tension de la régie des eaux. 60 sont enregistrées dans le seul quartier Rutonde de la ville de Gitega et environ 10 autres sont inventoriées dans les communes Itaba et Makebuko. C'est au moment où les obligations de la régie des eaux sont de construire une maison à plus de 12 mètres de ses câbles électriques. Le chef d'antenne de la régie des eaux région centre-est, Jean-Claude Manirakiza, dit que les propriétaires de ces maisons courent un risque d'être électrocutés lorsque les câbles ou les poteaux qui les portent tomberaient par terre. Il souligne également que ces maisons rendent difficiles les travaux de réhabilitation de ces poteaux une fois écroulés. Les gens de la colline Rukova, commune Gitega, qui ont des maisons sous ces câbles électriques, disent qu'ils ont peur, surtout quand il pleut, et cela parce que des éclairs font apparaître multiples étincelles sur ces câbles, alors que le chef d'antenne de la régie des eaux région centre-est et le chef de l'urbanisme à Gitega avouent que leurs ordres d'empêcher la construction des maisons sous ces câbles ne sont pas respectés. Le gouverneur de la province de Gitega, Venamani Rambona, jure que personne de sa province ne va plus construire sous les câbles électriques haute et moyenne tension. Quant à ceux qui ont déjà construit des maisons sous ces câbles, il déclare que ce cas sera étudié ultérieurement. Depuis Gitega, Jean Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard, toujours dans les nouvelles des provinces, mais en bref, une fille de la colline Kanyang et de la commune Buhiga, en province Karusi, a été arrêtée chez elle par la police le matin de ce vendredi. Cette fille avait tué pendant la nuit un bébé qu'elle venait de mettre au monde, comme le dit la police. Les voisins déclarent que cette récidiviste, âgée de 24 ans, venait de bénéficier d'une libération conditionnelle de la prison centrale de Gitega, où elle venait de passer 5 ans pour infanticide, ce qui est confirmé par la police. Et plus de 60 000 chèvres et moutons ont été vaccinés contre la peste des petits ruminants durant les deux dernières semaines, dans 5 sur les 9 communes de la province Ngozi. Le directeur du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage demande plus de patience aux éleveurs en évitant tout mouvement et consommation des produits de ces animaux jusqu'à nouvel ordre. Cette campagne de vaccination a été décidée après que cette peste des petits ruminants ait emporté plus de 400 chèvres et moutons en commune Tangara de la province de Ngozi. Parlons maintenant sport, du football précisément, puisque la CAN commence aujourd'hui. Les amateurs de football en mairie de Bujumbura affirment avoir confiance en la sélection burundaise Inamba Murugamba qui participe pour la première fois à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro apprécient bien les performances footballistiques réalisées par les joueurs burundais lors des matchs amicaux livrés avant de se rendre en Égypte. Suivez ce micro-baladeur de la rédaction. Façon qu'on voit Burundi, en tout cas c'est excellent. Surtout leur match amical avant-hier là, c'était bien fait. En tout cas, on est très content. On espère que ça va aller jusqu'au bout. Bon, ce qu'on va faire, c'est comme ce qu'on a fait. Donc l'autre fois, on ne change pas équipe qui gagne. Et puis surtout classement qui gagne. C'est très nécessaire. Ce qui est là, à ma part personnelle, vraiment, si je dors vraiment, hein, je me suis tranquille. Parce que je sais que Burundi va avancer. On va partir jusqu'au bout. Donc on est parti pour prendre quelque chose. Ne t'en fais pas. Ça va passer très bien même. Confiance, c'est quelque chose très nécessaire. Moi, je vois que si quelqu'un connaît le sport, avec le classement qu'on a fait l'autre fois passé, ça se fait vraiment. Nous tous, nous sommes derrière Ndamba Murugamba. Et nous sommes si certains que notre équipe va faire quelque chose de bon là-bas devant. Parce qu'on a vu même le match amical contre Tunisie, contre Algérie. Les enfants ont manifesté leur force. Et s'ils continuent comme ça, même la Coupe d'Afrique, on peut être transporté jusqu'à au pays. Je suis sûr et certain. Puis notre équipe se prépare bien comme ils ont fait au match amical. Je suis sûr qu'on peut faire même 2-0. Nous avons des fistos à Moudou Lazare. Nous avons Ayade Jonathan. Donc notre équipe, vraiment, je suis sûr et certain qu'on peut faire quelque chose. Parce que ce qu'ils ont fait dans les matchs amicaux, vraiment, contre les Arabes, ils ont manifesté vraiment une bonne image. Moi, je serai heureux lorsque les Burundais nous apporteront la Coupe d'Afrique. Quoi. Je vous souhaite de bonnes chances pour la Coupe d'Afrique. Demain, Inch'Allah, je suis sûr que nous serons les gagnants. Ce qu'on peut s'attendre de cette sélection, Inamba Bougam sera sélectionné pour le premier tour. Ça, on a la foi, vraiment, on va passer. Parce qu'on a eu la chance dans notre pour ces trois équipes qui vont passer et dans les trois, nous serons dans les premières places. Ce samedi, c'est notre joie. Nous, on a déjà commencé à célébrer notre triomphe par rapport au Niger. Vraiment, nous, on sait qu'on va gagner par rapport au Nigeria. On a la foi parce qu'on s'est préparé bien, que nous, on attend seulement que les matchs débutent. J'ai dit qu'à tous les Burundais, qu'ils soient calmes, nous, on va remporter. On est fiers d'avoir eu la chance de participer à la compétition des Coupes d'Afrique. Ce que je peux dire, c'est d'encouragement aux joueurs, vraiment des soutiens. Ils puissent nous montrer une bonne image. Ils peuvent même aller très loin, deuxième phase ou bien troisième phase, ou bien de remporter même la CAN. Ça peut être possible. Sachez que la CAN 2019 commence vendredi en Égypte, pays organisateur, et le Burundi joue son premier match demain, samedi, avec le Nigeria. Place maintenant à la chronique en Europe. Radio Isanganiro, chronique environnement. Le Burundi compte plus de 24 000 sources d'eau, dont près de 2 000 l'ont déjà tari et plus de 4 000 en cours de tarissement. Selon Frédéric Mangirinama, professeur d'université et chercheur environnementaliste, la déforestation et les activités agricoles non conformes à la réglementation sont les principaux facteurs de ce tarissement alarmant. Le gouvernement devrait prendre des mesures de protection de ses sources d'eau dans l'urgence. Cette chronique environnement est une rediffusion. Christella Nizigama. Les sources d'eau au Burundi proviennent de la nappe phréatique. Celle-ci est alimentée par les eaux des précipitations qui s'infiltrent dans le sol. Selon professeur et chercheur environnementaliste Frédéric Bangirinama, toutes les rivières prennent source dans la crête Congo-Nil. Une fois que la protection du sol est satisfaisante, on va avoir des sources d'eau qui ont de l'eau propre. Nous avons la chance au Burundi, partout où tu passes, l'eau est buvable, ce qui n'est pas le cas pour les autres pays. Dans le temps, là où il y a une source d'eau, il devrait y avoir une bande de reboisement protection pour empêcher que l'eau se souille. Au moment où près de 2000 sources d'eau ont déjà tari, ce professeur affirme que les provinces Tongozi et Karusi sont concernées par ce tarissement des sources d'eau. J'ai déjà fait une étude dernièrement dans le cadre de l'aménagement des marais, dans le marais de Nyamuswaga, c'est tout près d'Ongozi, à Narufu, c'est tout près de Malangara, à Gisuma, c'est à Karusi. Lorsque j'étais en train de faire un focus group avec la population riveraine, il y avait des déclarations qui faisaient état de tarissement des sources. Même si vous allez dans certaines villes, vous trouvez des addictions d'eau qui ont été faites il y a 2 ans, 3 ans, et vous trouvez que les bornes fontaines, il n'y a plus de l'eau. La déforestation, les constructions anarchiques et les activités agricoles non conformes à la réglementation sont les principaux facteurs de ce tarissement alarmant, explique toujours ce chercheur environnementaliste. Le tarissement des sources peut être dit au